heures midi. Félix Rouchic, l'émission qui fait du bien partout, Hello tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Hubert et Electrochic sur Galaxy jusqu'à midi avec pour faire l'ouverture Miss Nikki Bellucci et Get Up, c'est le remix des Dons. Et pour la suite, eh bien c'est déjà calé, c'est ultra net et vous allez pouvoir retrouver juste après avec Automatique. Bon week-end sur Galaxy. Sometimes when I've been so low, so low that I had to reach up, just to touch the bottom. And you know that's low. But you gotta keep your head up and believe in yourself. And before you get down, you gotta get up. You gotta get up. She doing two sex race. She doing two sex race. She doing two sex race. She doing two sex race. She doing two sex race. She doing two. get feel it if we slide down to another group. We'll get just feel it if we slide down to another group. We'll get just feel it if we slide down to another group. We'll get just feel it if we slide down to another group. We'll get just feel it if we slide down to another group. We'll get just feel it. Avec Get This Feeling, déjà parmi les 40 titres les plus diffusés sur Galaxy. Ah oui, faire péter, j'adore ça. D'ailleurs, allons-y gaiement avec Yann Oliver qui débarque dans votre radio. Et c'est John Aquaviva qu'on retrouvera pour la suite du son avec Sofa King. Surtout, restez bien calés Galaxy, car on aura l'occasion de vous balancer encore des passes valables pour les soirées clubs qui auront lieu le week-end prochain. Et comme vous le savez, sur Galaxy, ça peut dégringoler à n'importe quel moment. musique. Welcome to the world of music. And we're all on fire tonight. Oh yeah, we've come to worship, all right. But I got a little special something for y'all tonight. The kind of thing that they tell you not to listen to. But they tell you it's bad. But they tell you it's wrong. It's wrong. Galaxy. How can it be wrong? How can it be wrong? électrochic. Électrochic. We'll be right back. C'est électrochic comme tous les samedis, c'est sur Galaxy, avec tout de suite la possibilité de remporter vos passes valables pour deux personnes. C'est pour le Pulse Factory, l'Escape ou encore l'âge de zoo. Voilà, si vous voulez jouer avec nous, bien vous nous appelez tout de suite au 03 20 83 57 57. Soyez le 10e et le 15e appel au standard. En attendant, c'est Fragma qui débarque sur Galaxy avec Tokami. C'est le remix de Deadmau5. Électrochic. Électrochic. On Galaxy. Chic, deuxième partie, on va encore pouvoir se faire du bien, mais alors absolument partout, oui oui, j'ai bien dit partout, encore pendant 60 minutes, avec Max Wilder et Manu Kenton, Sidney Blue, Give It Up, Sandy V avec Blip ou encore Roddy Reinhardt. C'est une nouveauté que vous avez découvert sur Galaxy, c'est une exclue, c'est pas la peine de la chercher, vous ne la trouverez pas, c'est donc Lifestyle, et puis puisqu'on parle de nouveautés, en voici une qui arrive tout de suite, c'est Radio Slave avec Dead Souls. Dead Souls Melancholy is my wife, angels are dying, love hurts like a knife, shadows are dancing, what a great life. Life.

vous êtes sur Galaxy 95.30 ou www.galaxyfm.com. Voici les rendez-vous incontournables que vous allez pouvoir retrouver tout au long de ce samedi, à commencer par Jimmy, que vous retrouverez d'ailleurs juste après moi entre midi et 14h. 14h, 16h, Paola avec Vadé Retro. 16h, 18h, Manhattan et Ghetto Mania. 18h, 20h, Silver Sea et Evan avec Essential Progress. 19h30, 20h30, Claude Monet. 20h30, 23h, Nico & Co avec Refresh. 23h, 1h du mat, Jerome B, plus connu bien sûr sous le nom de Jérôme B. C'est parti, house donc jusqu'à 1h du mat sur Galaxy. Voilà, vous savez absolument tout. Disco beat, disco craze, disco beat, disco beat, disco beat, disco beat, disco record. Disco beat, disco record. Disco record.

Je t'aime.